La troupe artistique Wang Jiesan en tournée locale donne depuis le 29 septembre sa représentation au complexe sidérurgique Kimtse. Y ont assisté les cadres et les métallos. Les artistes ont monté sur la scène des numéros variés comme la musique de prélude « Nous irons au Mont Pektou », les chants, danses et musique instrumentale pour ainsi encourager les métallos engagés à l'augmentation de production des matériaux en fer et en acier nécessaires aux régions septentrionales sinistrées, premier objectif de la campagne de 200 jours.